Osmose Radio. Osmose. La web radio. L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Paperback Writer, Paperback Writer, un vieux classique des Beatles pour commencer cette émission, votre playlist Rock and New Wave, tous les mardis soirs. Soyez les bienvenus sur Osmose Radio, les amis, avec Stéphane dans l'heure du loup qui commence avec ce titre, les Beatles, un bon vieux classique, disais-je, pour commencer. De temps en temps, ça fait pas de mal. Les Beatles, un groupe qu'aimait sans doute Gottlieb, puisqu'il a illustré quelques-unes de leurs chansons régulièrement dans ses albums et dans ses bandes dessinées. Gottlieb qui est mort, qui nous a quittés il y a 48 heures, et il sera un petit peu question de lui dans la playlist de ce soir. Restez sur Osmose Radio, vous allez comprendre. Pour le moment, je vous propose de continuer avec du rock britannique, mais d'une autre génération, celui-là. Tout de suite, Lemmy Motorhead, le titre Death or Glory. I saw Einstein. Motorhead, Motorhead, avec la voix éraillée de Lemmy Kilmister, qui lui nous quittait il y a un peu plus d'un an. Et à l'instant, c'était Death or Glory, la gloire ou la mort. Je crois que Gottlieb aurait préféré éviter les deux, mais bon, finalement, il a eu les deux, hein, puisque la mort, ben, c'était il y a 48 heures, et la gloire, il l'a eu au travers de son œuvre, puisqu'il a influencé et fait rire des générations de lecteurs, en France, à l'étranger, voire même au-delà. Allez donc savoir. Soyez bienvenus sur Osmose Radio, les amis. Vous êtes bien dans l'heure du loup, une heure de rock et du new wave ce soir. J'ai essayé d'imaginer la playlist que vous aurez concoctée Gottlieb. Gottlieb qui nous a quittés et qui, même si l'émission n'est pas consacrée à la bande dessinée, ce soir je vais faire un petit peu une exception puisqu'il sera question de rock et de BD dans l'heure du loup. Motorhead, Lemmy Kilmister, qui a fait l'objet de nombreuses caricatures aussi, notamment celle de Marceau, un auteur de BD que j'aime bien, dont je vous avais déjà parlé, et qui se revendique, lui, de l'héritage de Gottlieb. Eh bien, Gottlieb lui-même était beaucoup influencé par le rock, parce que Gottlieb correspond, avec d'autres bien entendu, mais correspond à cette génération de dessinateurs de bande dessinée qui ont fait rentrer le genre dans l'âge adulte et qui finalement l'ont un peu amené à ce qu'il est devenu aujourd'hui, à savoir le 9e art. Ça a commencé avec René Goscinny, bien entendu, qui a mis le pied à l'étrier à des gens comme ça. Gottlieb lui-même a toujours admis ce qu'il devait au père d'Astérix. Mais dans cette génération des années 60, 70, 80, vraiment, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont permis à la bande dessinée de devenir à la fois un média pour les enfants, mais aussi pour les adultes, les grands-enfants, finalement. Hein. Et j'en veux pour preuve des gens de la génération des auteurs comme ceux de Metal Hurlant, hein, cette fameuse revue de bande dessinée créée dans les années 70 avec des gens comme Moebius, avec des gens comme Philippe Druyer et j'en passe. Metal Hurlant qui avait donné lieu notamment à un long métrage au début des années 80, en 1982 précisément, un long métrage d'animation. C'était une coproduction franco-canadienne avec tous les dessinateurs du journal en fait, qui mettaient leurs histoires sur grand écran. Et je me souviens, j'ai un souvenir ému comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, petit chenapan, de la Tarakienne. La Tarakienne, vous savez, cette héroïne avec des gros seins, des longs cheveux, une grosse épée et qui mettait sa race à tous les méchants sur l'écran et qui notamment était l'objet figuré sur l'affiche de ce film Metal Hurlant, Heavy Metal dans la version anglophone. Et Metal Hurlant, où on voyait la Tarakienne sur l'affiche avec qui montait son oiseau volant, là, qui brandissait son épée et qui avait, je le répète, un des boobs absolument énorme. Bref, j'en garde un souvenir tout émoustillé, comme beaucoup d'entre vous sans doute. Et bien justement, une image aussi puissante avec quelque chose d'épique se prête forcément à toutes les parodies, et c'est là qu'on rejoint Gottlieb, puisque lui faisait plutôt dans le comique, dans ses bandes dessinées, mais qui faisait aussi dans les parodies. Il avait fait une parodie de la Tarakienne qu'on voyait sur l'affiche du film Metal Hurlant, mais en faisant une parodie avec Super Dupont, ce fameux héros franco-français, cette parodie de Superman à la gloire française, et qui montait le coq gaulois et qui brandissait un flambeau. Et c'était assez fandard de voir donc rejoint dans une même image et l'humour de Gottlieb et le côté épique des dessinateurs de la revue Metal Hurlant. Voilà, les deux se rejoignent. Et bien tiens, justement, c'est l'occasion pour le coup de nous replonger dans la bande originale de ce film Metal Hurlant, avec un extrait de la bande originale, disais-je, le morceau d'ouverture de ce film mythique, Riggs, avec le titre Radar Rider. Hein, les gars, vous aurez sans doute une petite bosse en pensant de la boops de la Tarakienne. Slay! Trust, la voix de Bernie qui chantait en franglais sur le titre Prefabricated. C'était un autre extrait de la bande originale du film Metal Hurlant, Heavy Metal, sorti en 82 à partir des œuvres et des auteurs de la revue de bande dessinée Metal Hurlant, qui était créée 10 ans plus tôt. Et c'était enchaîné juste avant avec un autre extrait de cette bande originale, disais-je, Rix, et le titre Radar Rider. Un petit hommage à Tarna, la Tarakienne, qui a sans doute été un souvenir d'enfance érotique pour beaucoup d'entre vous, chers amis. Ouais, parce que la bande dessinée est rentrée dans l'âge adulte, disais-je, dans les années 70, avec des auteurs comme ça. Et aussi Gottlieb, hein, qui est décédé il y a peu, et qui lui aussi, à sa manière, a fait un petit peu rentrer la bande dessinée dans l'âge pour adulte, on va dire, en faisant notamment des références à l'érotisme. Je pense notamment à des albums qu'il avait écrits dans lesquels c'était parfois un humour assez féroce et un humour des fois à la limite du porno. Et un recueil d'albums, en fait, qui avait été créé à partir des planches de BD qu'il avait fait pour la revue L'Écho des Savanes, qu'il avait contribué à fonder au début des années 70 avec Claire Bretéché notamment. Et tout ça avait été sorti sous deux ou trois albums qui portaient le nom Ra Lovely, donc une onomatopée et un anglicisme, tout ça pour évoquer un petit peu des choses qu'on fait sous la couette, hein, bande de chenavants. Et Ra Lovely notamment, il y avait pas mal de scènes assez osées dans lesquelles il évoquait des thèmes qui n'étaient pas faciles à aborder dans les années 70 quand même, l'homosexualité, le parricide, des choses comme ça, des thèmes et des fois même des illustrations très très explicites. Et je pense notamment à une qui m'avait beaucoup fait rire, qui évoquait à la fois le goût de Gottlieb pour le cinéma d'horreur, les vieux films en noir et blanc, genre Le Docteur Mabuse, Frankenstein, tout ça, et aussi un dégoût pour les blagues de potache et les blagues de cul. Et je pense notamment à quelque chose qui faisait la synthèse de ces deux aspects là c'était une parodie de Frankenstein qu'il avait fait, La Mariée de Frankenstein plus précisément, et où on voyait donc la créature de Frankenstein et la dame qui se font des œillades, qui commencent à se dessaper, qui se font des gâteries. Et puis à un moment où Madame Frankenstein fait une gâterie à la créature, vous savez que Frankenstein est conçu à partir de morceaux de corps cousus les uns avec les autres. Et bien au moment où Madame lui fait une gâterie, et bien le sexe se détache. Voilà, donc faut le voir pour le croire. Je vous mettrai évidemment la vignette sur le Facebook de l'heure du loup pour que vous puissiez voir ça par vous-même, bande de chenapans et bande d'obsédés. Et donc c'est assez marrant à voir, et c'était quand même assez gonflé pour l'époque. Et bien tout ça, ça me fait penser, hein, pour revenir un peu à notre playlist, à une autre créature, mais celle d'Alice Cooper, ce qu'aussi dans le titre Feed My Frankenstein. Allez, vas-y Alice, parle-nous de ta créature. Comes dinner. Feed Alice Cooper, Feed My Frankenstein, Nourris ton Frankenstein. Eh bien, c'est justement ce qu'a fait la mariée de Frankenstein dans la vignette de Gottlieb, dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Elle fait une gâterie à la créature de Frankenstein et puis... pas de bol, son sexe reste dans sa bouche parce qu'il s'est détaché du corps pourrissant de la créature. C'est dégueulasse, mais ça me fait rire. Désolé. Et bah écoutez, ce soir, soyez les bienvenus sur Osmose Radio, une radio où on vous passe pas que des cochancetés, on en dit aussi. Et donc, vous êtes dans l'heure du loup, votre playlist rock et new wave. On est ensemble encore pour une demi-heure de musique et de BD exceptionnellement ce soir parce que je tenais à rendre hommage à Gottlieb qui nous a quittés il y a deux jours et qui a été un auteur majeur pour moi. Dans mon enfance et encore aujourd'hui, et sans doute aussi pour beaucoup d'entre vous, chers amis. Voilà Gottlieb, qui je me suis amusé à imaginer ce que lui vous aurait fait comme playlist ce soir dans l'émission, parce qu'il avait fait un petit peu de radio dans les années 70, et en fait il était très très intéressé par le rock. C'est quand même un aspect majeur de son œuvre, quand bien même son œuvre n'est pas musicale mais graphique. Et donc il s'en était beaucoup inspiré. Et notamment donc par rapport à la bande dessinée que j'avais trouvée dans le recueil Ra Lovely, dont je vous parlais tout à l'heure, qui était vraiment de la bande dessinée humoristique et érotique. Mais il a fait aussi beaucoup d'autres choses. Pour rester dans les thèmes du rock que j'aborde ce soir, il avait fait notamment quelque chose d'assez marrant, d'assez gonflé à l'époque, c'était Hamster Jovial. C'était une parodie en fait des scouts et du scoutisme en règle générale. Et Hamster Jovial et ses joyeux louveteaux, en fait, c'est une parodie en fait du chef scout et les gamins dont il s'occupe, et il leur fait faire des activités, ils chantent ensemble à la belle étoile, etc., autour du feu de camp. Et puis en même temps, Hamster Jovial, c'est un fan de rock de l'époque, du début des années 70, quoi, Jethro Tull, Alan Stivell, les Rolling Stones, etc., etc. Et donc à chaque fois il y a des gags autour de ça, c'était assez fondard. Et parfois même assez osé, parce qu'il y a des blagues vraiment salaces qui, je le répète, étaient assez gonflées pour l'époque. Aujourd'hui ça nous paraît normal, mais la France était assez coincée du cul à l'époque. On a tendance à l'oublier, d'autant plus que nous on était peut-être pas, pour beaucoup, pas encore nés à l'époque. Je pense donc à Hamster Jovial, mais il y a d'autres choses dans la rubrique Abrac aussi. Il faisait des trucs déjà à l'époque où il était dans le journal Pilote dans les années 60, et ensuite dans les années 70 quand il a créé Fluide Glacial et L'Écho des Savanes, entre autres choses. Et je pense aussi à une collaboration qu'il avait fait avec Solé. Alors Solé, c'est un autre auteur de bande dessinée, vous connaissez forcément son œuvre. C'est lui qui a fait le logo des Guides du Routard, vous savez, le mec avec son sac à dos en forme de globe terrestre. Ben voilà. Mais Solé est aussi le dessinateur de Super Dupont, dont on parlait tout à l'heure, qu'il a créé avec Loeb et Gottlieb, ce super-héros français, parodie de Superman. Et notamment, tous les deux, ils avaient fait un recueil qui s'appelait Pop Rock et Collégramme. Donc Amstramgram, Piqué Piqué Collégramme, vous connaissez la comptine des enfants. Et bien là, Pop Rock et Collégramme, en fait c'est une œuvre dans laquelle il traduisait littéralement les paroles des chansons des standards de rock de l'époque. Alors il y avait Frank Zappa, il y avait Pink Floyd et j'en passe, et en fait il traduisait les paroles et il les illustrait dans la bande dessinée. Ce qui est marrant, c'est que c'était pas tout à fait un cadavre exquis comme ce que faisaient les surréalistes dans les années 20, mais c'était un petit peu du même ordre, c'est-à-dire que Jean Solé faisait tous les dessins des albums, les illustrations des paroles des chansons. Donc je pense à Stinky Feet de Frank Zappa, je pense à des chansons de Roxy Music, tout ça. Et de temps en temps, Gottlieb intervenait dans les cadrages avec la petite coccinelle, vous savez, cette petite coccinelle qui se balade dans ses cases de bande dessinée, qui dit tout le temps des bêtises, des contrepoints, etc., qui intervient en contrepoint des personnages. Et donc voilà, il agissait un petit peu en trublion. Et pour le coup, dans la bande dessinée de quelqu'un d'autre, pour le coup, eh bien, tous les grands groupes de rock de l'époque étaient présents dans cet album-là. Et notamment le groupe Magma. Hein, Magma, qui était un groupe de jazz rock des années 70, enfin, avec Christian Vander, qu'on a pu voir jusqu'à une époque récente au Théâtre du Chêne Noir, à Avignon, par exemple. Et Magma, qui était vraiment un monument du jazz rock à l'époque, qu'il est resté par la suite. Mais à l'époque, c'était très novateur, avec leur costume de scène assez bizarre. En fait, pour vous faire une comparaison, Magma était un peu au jazz rock ce que Kiss aux États-Unis a été pour le glam rock. Voilà, avec des costumes de scène très sombres, très exubérants. Hein, c'était les années 70 quand même, etc. Et ce qui a été marrant avec Magma, c'est en plus de leur son complètement halluciné, de leur prestation abracadabrantesque, eh bien, ils chantaient dans une langue imaginaire. C'était le cobayen. C'était un espèce de gloubi-boulga de russe et d'allemand. Et donc, forcément, Jean Solé et Gottlieb n'allaient pas se priver de s'en moquer gentiment. forcément. Et donc, ben, les paroles de Magma, c'était toujours enfin bref, je le fais mal, hein, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Et bien justement, au niveau graphique, ça donnait quelque chose d'assez marrant dans les bandes dessinées, puisqu'il y a un moment où il y a Christian Van Der qui est illustré dans la bande dessinée avec ses costumes assez fous et des cadrages en noir et blanc assez sombres. Et il y a donc le mec qui dit Glabesnuknis, enfin tout ça, un texte comme ça, avec des sons gutturaux et une langue trop trop bizarre, hein, c'est du cobayen. Et là, il y a la petite Lacoxine à Lugotlib qui dit ah bah ça alors, c'est marrant, j'allais justement dire la même chose. Voilà. Donc, c'est un humour, je dis, en contrepoint, assez décalé, parce que Gottlieb avait eu ce génie d'importer dans l'esprit franchouillard français tel qu'on le connaissait avant et tel qu'on connaît encore aujourd'hui, les codes du comics américain. Et donc, cet humour un petit peu absurde, propre aux anglo-saxons, mais sans jamais renier en même temps les gauloiseries et le côté franchouillard bien français. À mon avis, il avait fait une belle synthèse avec des tas d'albums de lecture et tout. Moi, j'en cite quelques-unes là à l'antenne, mais je suis sûr que de votre côté, chers amis, vous en avez plein aussi dans vos références. Et bien justement, Magma, puisqu'on en parlait, on va écouter tout de suite un petit peu une illustration de leur son après cette illustration de l'humour de Gottlieb. Tout de suite, un extrait de l'album Mécanique Commando sorti en 73. Take thème de l'ultra-violence, le thème d'introduction du film Orange Mécanique, vous l'aurez reconnu évidemment, un film sorti en 1971 et qui avait inspiré Gottlieb puisqu'il avait fait un autoportrait en fait en couverture d'un de ses albums, en fait de la série La Rubrique à Braque. Eh bien, moi j'avais vu en fait cet autoportrait de Gottlieb avec le maquillage d'Alex dans le film en fait, mais à l'époque j'étais trop petit pour faire le rapprochement avec le film de Stanley Kubrick, ce film mythique dont on vient d'écouter un extrait de la bande originale. Et c'est ne seulement plus tard qu'à l'adolescence qu'en fait j'ai vu le film et que j'ai fait rapprochement avec cette couverture d'album de Gottlieb que j'avais vu quand j'étais gamin, CQFD, voilà. C'est aussi un petit peu comme ça que Gottlieb, à coup de pompe dans le cul, m'a fait découvrir aussi certains aspects de la pop culture et je ne m'en plaindrai pas, bien entendu. Voilà, alors ce soir je vous parle d'un auteur de bande dessinée, bah déjà parce qu'il est décédé il n'y a pas longtemps et que c'est quelqu'un qui avait beaucoup compté pour moi et pour tant d'autres. Il avait quand même passé 80 piges, mais avec l'humour qu'il pratiquait, même s'il ne dessinait plus depuis une vingtaine d'années et qu'il continue à pratiquer dans les éditos de la revue Fluide Glacial. Eh bien, on avait l'impression qu'en fait, ce mec, il était toujours jeune, quoi. Et c'est difficile d'admettre qu'il n'est plus là. Pour autant, je tenais quand même à vous parler de bande dessinée ce soir, en l'occurrence des siennes. Mais c'est pas facile de parler de bande dessinée à la radio. J'ai essayé, et vous m'en tiendrez pas rigueur, ce n'est pas facile. Je savais pas trop comment vous retranscrire l'humour très graphique de cet homme-là, qui avait quand même un graphisme très singulier. Et ces gags de vous en parler à la radio. Et donc, bah, de fait, je savais pas trop comment j'allais m'y prendre. Et puis, je me suis souvenu d'une interview en fait d'un passage radio de Gottlieb au début des années 80 dans l'émission Le Tribunal des Flagrants Délires, qui était une émission humoristique sur France Inter et dans lequel Pierre Desproges et tous ses collègues s'étaient gentiment foutus de Gottlieb, de Marcel Gottlieb de son vrai nom, qui était invité dans l'émission donc. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ils avaient rendu hommage à son humour, un humour qui est à la fois pour les adultes et pour les enfants. Et avec une de ses co-religionnaires, de ses complices dans cette émission, Desproges s'était amusé à accuser Gottlieb de ravaler, de rabaisser les adultes au rang des animaux, ou pire encore, au rang des enfants. Je vous propose tout de suite un extrait de cette émission, Le Tribunal des Flagrants Délires. C'était il y a 40 ans, mais c'est toujours aussi bon. Française, français, belge, belge, mon président, mon chien, ma maîtresse, ma chienne, monsieur l'infantiliste glacial bien parisien, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Non seulement monsieur Gottlieb, vos petits Mickey sont laids et plus ou moins communistes si j'en juge par leurs vêtements élimés, mais ce qui est grave, c'est qu'ils passionnent les adultes au point de les ravaler au rang de la bête, ou pire, au rang de l'enfant, si vous préférez. Mais pour moi, c'est pareil, car les enfants sont des bêtes. Répétons-le une fois de plus ici, avec le grand philosophe W.C. Fields. Qui était fermé de l'intérieur, oui. W.C. Fields, qui était très ouvert vers l'extérieur, et qui cachait une véritable âme de poète sous son prénom de chiotte. Il disait, celui qui n'aime pas les enfants ne peut pas être tout à fait mauvais. Donc, les enfants sont des cons. Tous, non, non. Gardons-nous bien généraliser. Les enfants ne sont pas tous des cons. C'est seulement les filles. Pour étayer mon propos, réécoutons ensemble, si vous le voulez bien, l'étude pédagogique que réalisa récemment le professeur Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval en enregistrant subrepticement les conversations des écoliers et des maternelles. Rappelons que le professeur Vaquette de Gribeauval voue une égale admiration à Sigmund Freud et à la S. Saint-Étienne, c'est-à-dire que c'est pas un con. Pour enregistrer les enfants, il se présente dans les cours de récréation très discrètement. En effet, qui penserait que sous son imperméable mastic, il cache un énorme micro gros comme ça, voire figure 1. Ces enregistrements ont été réalisés à l'école Sainte-Fernande de Paris. Nous vous les livrons ici, tels quels. Ils sont parfois d'une rare cruauté dans l'affrontement fille-garçon. D'autre part, je prierai les personnes sensibles et les directeurs des programmes de télévision de ne pas écouter. Ils pourraient être choqués, car il arrive en effet que les petits-enfants emploient des mots comme pipi, « Tiquette, ou cacaboudin qui, nous le savons, peuvent blesser irrémédiablement les oreilles de nos sympathiques censeurs à la con et de leur directeur de conscience. C'est-à-dire les anciens de Verdun, les anciens de Lourdes, les amis de Jules Ferry, les amis de Pidouze, l'amicale des constipés, l'AS prostate de la coupole, les anciens résistants, les anciens collabos, etc., etc., etc. Voici donc le document numéro 1 enregistré le jour de la rentrée à l'école Fernand Duval. Hey, quoi? C'est quoi toi? C'est quoi moi quoi? Ben, c'est quoi toi? Et toi? Ah non, c'est moi prom, c'est toi qui dis. Non. Si. Non. Si. Bon, d'accord. Clémentine Le Pelletier. Ouah, Le Pelletier qui fuit des pierres. Ah sous l'intensité... Sous l'intensité dramatique de la scène très dure que nous venons de vivre ensemble, que voyons-nous poindre? Nous voyons poindre une morale, une règle de vie, une donnée élémentaire qui régit les rapports humains. Les filles sont plus cons que les garçons, sauf les miennes qui sont à l'école libre, mais c'est une autre affaire. Mais poussons plus loin notre investigation. Le second document, que nous appellerons document numéro 2, par pure convention, mais si vous préférez, on peut l'appeler Albert, je m'en fous. Le document numéro 2 a été enregistré auprès des deux mêmes enfants, une heure après l'enregistrement du document numéro 1. Entre-temps, le professeur Jean-Baptiste Vaquet de Gribeauval était allé se cacher, car il n'avait plus de bande sous son imperméable mastic. Quand je pense à Sainte-Fernande, dit-il... Il me faut des bandes. Oui. Ça peut se commander, hein. Document numéro 2. Eh, quoi? Et toi, c'est quoi, toi? C'est quoi, moi, quoi? De moi, c'est Clémentine Le Pelletier. Toi, c'est quoi? Je t'en dirai même pas. Oh, bah, t'es dégoûtant. Bah, t'as qu'à me la montrer. Non. Si. Non. Si. Bon, d'accord. Tiens, regarde. Ah, c'est dégueulasse. Nous voyons donc bien dans ce dialogue gorgé de violence et de vérité que le garçon est plus intelligent, plus fort, plus convaincant que la fille qui, elle, en revanche, cache maladroitement une âme de chienne sous des dehors de chiottes de chiot. Car il ne faut pas la pousser beaucoup, la bougresse, pour qu'elle exhibe à son jeune compagnon son futur fruit défendu que la morale réprouve déjà, bien qu'il n'y ait pas encore des poils. Le troisième document est accablant dans le fond et si âpre et rugueux dans la forme que je prierai les directeurs de la télévision qui ont la chance d'avoir la couleur d'éteindre leur transistor, d'écouter le tirlipoti tirlipota sur les périphériques ou de visionner au magnétoscope les images les plus bucoliques des petits singes truffés d'électrodes qu'ils nous montrent habituellement au dessert pour égayer nos dimanches en famille. Document numéro 3. Hé hey, quoi? Je te le dis. Quoi? Je te le dis comment que je m'appelle. C'est quoi? Ah, c'est à une condition. C'est quoi? Ah, faut que tu me donnes ta culotte. Non! Si! Non! Si! Non! Tu fais rire comme m'embêter! Mais non, eh, on dirait qu'on serait des amoureux. Eh, les amoureux, ça donne sa culotte, eh? Ben, bien sûr, eh, la fille, eh. Ah, bon, d'accord, tiens. Maîtresse, maîtresse, il y a Clémentine Pelletier, c'est rien qui a nous donné sa culotte. Ouah! La pièce que nous avons eu l'honneur d'interpréter ce soir est de Jean-Baptiste Vaquet de Gribeauval. La mise en scène est de Blandine Jacquemet. Les décors sont de Roger Arro. La culotte de Madame Darlan est une création, la marinière. La marinière. Oui, non, La culotte qui habille la poule, la foule. La foule marinière, c'est un régal derrière. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Donc Gottlieb est coupable, mais vous verrez, Gottlieb, la guillotine, c'est pas le bagne. Oui, monsieur Gottlieb. Là, je me trouve en état de légitime défense. Non. Il a demandé ma tête. Ah, bah oui. Alors, Raté. Je suis tombé. Elle a fait un détour. La parole est à la défense. Maîtresse Darlan, nous vous écoutons. Mon cher président, son chien. Meine kleine Gottlieb. Ja. Vieux, ja. Dégoûtant procureur. Mon jury gentil. Et à vous tous, un grand baiser. Assez d'absurdité, mon cher président, mon vieux jury gentil. Oui, Gottlieb est innocent, car il est étranger. Et qu'il ne sait pas parler notre langue. Et quand un étranger vient de notre si joli pays gazouillant, riche en vocables étincelants, et que lui, le malheureux, le misérable, l'immigré, il ne parle pas cette langue rigoureuse, que fait-il? Il se débrouille, mon cher procu, mon doux président. Il se débrouille. Il invente, il mime, il onomatope, il se défend. Bref, il se défend. Et moi aussi, je le défends, sinon à quoi je servirais? Non seulement il onomatope, mais comme il est décidément très bête, il dessine pour se faire comprendre. Et ceci explique cela. Mais je dis quelle chance! Mais je dis quel miracle que cet étranger soit venu enrichir notre si belle langue à l'implacable logique. Avant, on disait... Tiens, ce matin, j'ai vu un accrochage entre deux voitures automobiles. Maintenant, on dit, mon vieux, ce matin, un type arrive sur les chapeaux de roue, boum, il freine, crif. À ce moment-là, trop tard, mon pote, une autre voiture, crash, clac, bang, crac, une horreur. Alors, celui qui était au volant, il descend, blam, et pif, paf, boum, blam, blam, dans le pif de l'autre. Et l'autre, wouch, yatch, wak, wap. Damned. Damned malédiction. Et finalement, argue. Il s'écroule dans un dernier soupir. Job. Quoi? Vous voulez dire lobe? Oui. Car voilà mon lobe. Un passant sort son pao pao, mais l'autre il avait une ratatatata, ratatatata. Oh, ça a pas traîné, il s'est écroulé dans une mare de sang. Et une balle perdue, c'est bête, a touché la voiture. Et waouh, waouh, en cendres. Le passant blessé criait au sec, au sec. Tout ça pour un refus de priorité, mes pauvres France. Eh oui, pauvre France. Mais heureuse France, grâce à Gottlieb, qui seul nous permet de parler avec nos viscères. Gottlieb, c'est le cri primal. Pourtant, il me vient à songer à la beauté de cette langue française. Quelle richesse, quelle logique, quelle musique. Prenons au hasard une conversation de deux personnes de l'école pré-gottliebienne qui se trouvent en plein cœur d'un vernissage où le goût et le raffinement le disputent à la culture et à l'intelligence. Ces deux êtres sont sensibles, raffinés, ils ont tout vu, tout lu, tout et plus encore, à commencer par l'indispensable, les 3D, du ras, droit et du tour. On y vient aussi. Approchons-nous de ce couple attentif au chef-d'œuvre exposé. La scène se passe, rappelons-le nous, en plein dans le cœur d'un brouhaha. Cœur du brouhaha. C'est étonnant, merde, quoi. Mais c'est irrésistible. Écoutez, c'est simple. Cette toile me happe. Non. Si. Pas vous? C'est étrange, je ne la sens pas, pourtant, elle est là qui vous happe. Oui, vraiment? Oui, elle fait rien qu'à vous happer. Mais dites-moi, nous sommes là tous les deux, et bon, je ne connais même pas votre nom. Dites-moi le vôtre d'abord. Non. Si. Non. Si. Non. Bon, d'accord. Clémentine Le Pelletier. Ah, Le Pelletier qui pue des pieds. Cette conversation est simple, de bon goût, mais symptomatique de notre culture. D'un côté, la beauté du texte, de l'autre, une action un peu statique, il est vrai, et dans un cadre un peu trop étouffant. Alors, mon cher président, et toi, gentil jury, que reste-t-il si, entre la bande dessinée et les 3D, il n'y a rien, rien qu'un désert, celui de Gobi, des Tartares et du No Man's Land, que reste-t-il? Il reste un genre, triple buse, qui ne m'écoutait pas quand je pose une question, alors que la réponse est évidente. Il reste le roman photo. Mais ne riez pas, ce n'est pas un genre mineur. Le roman photo, ce sont des scènes de la vie de tous les jours, souvent tragiques, parfois dramatiques. Je me souviendrai toujours de cet étonnant épisode où l'infirmière était, dans son fort intérieur, très, très amoureuse du médecin-chef du service de réanimation de l'antenne chirurgicale française en Cochinchine où notre armée se distinguait une fois de plus. Notre armée se distinguait dans son fort extérieur. Dans cet épisode, exceptionnellement, Marcel Dassault avait participé au dialogue. Tout à coup, au détour d'une photo, pendant que le médecin essaye de ranimer un blessé qui a perdu la vue, les deux jambes, l'ouïe et la boîte crânienne, les viettes envahissent l'antenne et s'ensuit une échauffourée sanglante. Des balles se perdent dans tous les coins. Heureusement, un de nos braves bidasses les ramasse parce qu'une de perdue dit de retrouver. Mais tout d'un coup, pan ! Une de plus. Et c'est une de trop. La balle se dirige vers le docteur en sifflant. L'infirmière. Non, en sifflant, c'est pas ça qu'elle dit. Elle siffle. L'infirmière la voit, crie « Attends !» La balle s'arrête, s'impatiente. Alors, ça vient. L'infirmière se place entre la balle et le docteur, crie « Ok, tu peux y aller maintenant. » Et la balle s'enfonce dans sa chair en y faisant un trou béant. Oh ! Vous êtes touché ? Cof, cof ! Mais non, ce sera quelques rhumes. Cof, cof ! Mon Dieu, je sens la mort qui vous happe. Non, non. Si, elle fait rien qu'à vous rapper. Vite, vite, montrez-moi le trou de votre balle. Oh non. Si. Non. Si. Bon d'accord, tiens, regarde. Bah, c'est dégueulasse. C'est toujours là que je pleure sur l'injustice de la guerre. Mais quoi ? La vie est dure et je ne saurais trop engager Gottlieb à essayer cette prose de roman photo-là. Bientôt il pourra le faire car il sera libre, vu que je l'ai vaillamment défendu. Au fait, l'ai-je bien défendu ? Excusez-moi. Donc à l'instant, on vient d'écouter le tribunal des flagrants délires. C'était en 82. Gottlieb était invité dans les studios de France Inter et donc des proches et cette dame dont j'ai oublié le nom, mais je vous le retrouverai. Je vous mettrai sur le Facebook de l'heure du loup. Vous pourrez retrouver toutes les informations relatives à cette émission. Voilà, chers amis, ce soir, c'était une émission un petit peu particulière en hommage à Marcel Gottlieb qui est mort récemment et auquel je tenais à rendre hommage parce que finalement, bah, c'est pas seulement un auteur important qui a beaucoup compté dans mon éducation et vous pouvez sans doute en voir les séquelles dans mon humour de merde tous les mardis soirs. C'était aussi un garçon qui s'intéressait au rock et qui a fait beaucoup dans son œuvre, notamment pour sa... Tiens, pour l'anecdote, il n'a pas fait que de la BD. Je vous disais, il a fait un petit peu de radio dans les années 70, il a fait un petit peu de cinéma et aussi, il avait fait des romans photos qui paraissaient dans Fluide Glacial notamment, où il, avec ses collègues, il se mettait en scène en rédigeant des dialogues à la con dans des vignettes. Voilà. Tout ça, c'était aux éditions Audi. Amusement, c'est un acronyme. Amusement, humour, dérision, hilarité et toutes ces sortes de choses. Voilà, A-U-D-I-E. Et on parle bien la France sur Osmose Radio. Et bien on va continuer et on va conclure cette émission avec le même groupe avec lequel on l'avait commencé, les Beatles, parce que il leur a rendu hommage régulièrement dans les pages de ses albums, Gottlieb, Marcel Gottlieb de son vrai nom, qui était en fait un juif, et manifestement ça mettait pas mal à l'aise pas mal de gens qui ont le critiqué pour ça. Lui a su surfer sur ces critiques là avec élégance et à nous faire rire de toute façon, mais ceux qui le critiquaient à mon avis sont pas en train d'écouter Osmose Radio, ils sont en train de se pignoler sur Radio Courtoisie. Bref, quoi qu'il en soit, cet homme-là avait dû fuir et se cacher à la campagne pendant l'occupation quand il était enfant, et il en avait quand même gardé quelques souvenirs un petit peu tristounés. Parfois dans son œuvre, qui était quand même principalement comique, il y avait quand même des histoires un petit peu mélancoliques où il parlait de l'enfant, France, sur toute la sienne, où il parlait des relations avec les femmes, où il parlait peut-être de sujets peut-être un peu plus philosophiques, entre guillemets, mais il arrivait parfois quand même, enfin sur 48 pages d'un album, il y en avait bien 40 qui nous faisaient rire, et puis quelques-unes aussi qui nous rendaient un petit peu mélancoliques. Et bien c'est justement avec ce genre d'ambiance qu'on va se quitter, une chanson des Beatles, Eleanor Rigby. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et je vous dis bonne fin de soirée, bisous, salut. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there.